galaxy.mu et courez la chance de gagner un album de Galaxy. Billets aussi disponibles sur Admission. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Sur les ondes de CISM 89.3, vous écoutez l'émission Le Terminus. Bonsoir, je m'appelle Jean-François et je vous présenterai dans la prochaine heure du rock indépendant de la scène locale et d'un peu partout dans le monde. Par exemple, on aura aujourd'hui du Joy Formidable, Nitrosonic et après la Chine la semaine dernière, on va faire un tour du côté de la Russie. Question de rester dans la thématique des francopholies qui débute ce soir et nous serons diffusées les émissions de la station à chaque soir de 16h à 19h au courant de la semaine prochaine. Je vous parlerai au prochain micro des spectacles rock à voir d'ici la fin du festival. En ouverture, vous entendiez les Trompe-l'œil avec Sur ton joli divan rose qui figure sur un mini-album paru en 2004. Le gars derrière le projet Alexandre Champigny fonctionne maintenant sous son propre nom et a sorti un album en 2007. À chaque semaine, le palmarès de CISM sort des Boulamites un album classique. Cette semaine, c'est les vétérans du lo-fi américain Sebado qui sont à l'honneur avec leur album Bake Sale qui est sorti en 1994. L'album va d'ailleurs ressortir le 14 juin prochain dans une réédition de deux disques sur lesquels figureront des versions démo et acoustiques. Sebado sont d'ailleurs passés à Montréal en avril dernier pour promouvoir justement la sortie de cet album-là. La réédition plutôt, sans le batteur toutefois, Eric Gaffney, qui a de nouveau quitté le groupe. Alors, sur les ondes de CISM 89.3, voici Got It de Sebado. looking for things that you're waiting for, things that you're running from now. Oh, that you're looking for, oh, that you're waiting for, oh, that you're running from now. Jour la nuit de Vanesse Parietter qui se retrouve sur l'album La mer est avide que vous pouvez télécharger sur leur site web. Le groupe serait actuellement en train de travailler sur un troisième album qui ferait la place à davantage de sonorités électroniques et expérimentales. Donc, c'est à suivre. Avant Vanessa Parietaire, c'était le trio slovaque de Bridgeheads avec Things. The Bridgeheads se sont séparés peu de temps après la sortie de leur premier album suite au décès plutôt mystérieux, on peut dire, du chanteur Tomáš Dask, qui serait tombé du cinquième étage d'un édifice. Cet album-là, Foreigners, peut être téléchargé gratuitement sur leur page web du groupe The Bridgeheads. Je vous disais tout à l'heure que CISM est présente sur le site des Francofolies encore cette année. Dans la programmation extérieure gratuite, il n'y a pas beaucoup de rock cette année. Donc, je veux quand même vous faire quelques suggestions pour le festival qui commence ce soir. Donc, demain quand même, il y a Alexandre Desilets à 21h, plus dans le pop rock. De samedi, c'est vraiment intéressant avec de la folk avec Émilie Prou à 17h. Il va y avoir Peter à 19h. Et Lila Dissa, que je ne connais pas beaucoup, mais dont l'extrait sur le site des Francofolies m'a pas mal intrigué. Ça va être à 19h. Sinon, dans le rock, vraiment, mardi prochain, Sonny Duval va être là à 21h. Il va y avoir également mercredi, On a créé un monstre plus dans le pop rock à 20h et 23h. Et finalement, la sensation française, la femme, mercredi à 22h. Je vous parlerai de la suite des Francofolies jeudi prochain. Le festival se termine donc samedi le 18 juin. On poursuit maintenant avec deux groupes qui sont originaires des deux extrémités de la Russie, soit de la capitale Moscou à l'ouest et Vladivostok à l'extrémité est du pays. Je vous laisse entendre et on s'en reparle tout de suite après. Sur les ondes de la marge CISM 89.3, vous écoutez l'émission Le Terminus. 89.3 vient tout juste d'entendre deux groupes qui rockent en russe. Et oui, parmi les difficultés qui se présentent lorsqu'on s'aventure dans l'univers musical russe, il y a d'abord l'alphabet cyrillique qui est impossible à déchiffrer pour mieux connaître et retenir le nom du groupe. Mais heureusement, certains groupes traduisent phonétiquement leur nom et le titre de leur chanson en anglais. On entendait pour commencer de la capitale Moscou le groupe Everything is Made in China. La chanson qu'on a entendue figure sur une compilation de reprises du groupe russe Miami Troll, où chaque groupe ou artiste réinterprète une chanson à sa manière. Ici, on a affaire à un réarrangement à la sauce post-rock. Everything is Made in China fait de la musique habituellement en anglais, mais c'est intéressant cette fois-ci de les entendre dans leur langue d'origine. Ensuite, Marie Marie sont de Vladivostok, l'extrême est du pays en bordure de l'océan Pacifique. Malgré l'éloignement et comptant uniquement sur la promo sur Internet, le trio fait quand même régulièrement des tournées à travers la Russie et l'Ukraine, d'abord connu comme un groupe hommage à Coldplay. Et oui, la musique de Marie Marie est surtout en russe, mais avec quelques compositions en anglais. On a entendu la chanson Pravet Pravet, qui veut tout simplement dire « Salut, salut ». On retourne en musique avec le défunt groupe de l'acteur Marc-André Grondin qui est pas mal occupé ces temps-ci. Ils ont seulement sorti un mini-album de trois chansons en 2006 et depuis, pas de nouvelles. Voici À l'envers du veston de Nitrosonic sur CISM 89.3. Jusqu'à 20h, vous écoutez l'émission Le Terminus sur les ondes de la marge. C'était The Joy Formidable avec A Heavy Abacus, qui est extrait de leur premier album complet sorti en janvier dernier, The Big Roar. Ils seront au Festival Oshiaga le dimanche 31 juillet. Juste avant, les Montréalais The Clues avec Approach the Throne. On reste à Montréal avec le prochain groupe. Plants and Animals ont sorti un deuxième album pas piqué des vers l'année dernière, intitulé La La Land. Sur les ondes de CSM 89.3, voici Tom Cruise de Plants and Animals. Soons avec la chanson Gaze de leur album Zeros QC. Tout comme The Joy Formidable, Soons seront au festival Chiaga cet été, mais le samedi 30 juillet. Juste avant Soons, on a entendu les Californiens de Film School avec la chanson Distant Life de leur album Fission sorti l'année passée. Vous retrouverez la liste complète des chansons diffusées ce soir ainsi que la balado-diffusion en vous rendant sur le cism893.ca ou encore sur le blog de l'émission leterminus.ca. Restez là puisqu'après les pubs, Étienne Champagne vous présente Rythmologie jusqu'à 22h. On se quitte avec un trio pop-rock qui rappelle un peu Malajube avec l'intégration de claviers à leur musique. Voici Ressac avec Transistor qui se retrouve sur un nouveau mini-album qui sort officiellement le 11 juin prochain. Ici Jean-François, passez une bonne semaine, peut-être aux Francofolies, qui sait? À bientôt!